ou malheur, le temps passe et c'est Dieu qui donne. Tous les jours, c'est la même, mais on dit qu'on peut changer. Les journées sont les mêmes, rien qui change à part les changer. Personne veut cette vie-là, mais comme les cours, j'ai évité. J'ai pas le sourire quand je te dis ça, mais la drogue, j'ai dû effriter. Petit frère, prends pas exemple, je veux pas que tu prennes le même chemin. Et si un jour t'as des diplômes, maman pourrait être fière demain. Fière demain. Et même fier de moi, car on apprend de ses erreurs. Et moi je pourrais pas faire de choix. J'ai frère, la ville est grande, mais le quartier est petit. N'écoute pas les grands, les légendes, tout ça c'est des sottises. C'est vrai que j'ai fait des sous, mais l'addiction à l'argent finira par me tuer. C'est vrai que j'ai mis des coups, mais au tribunal j'ai vu la daronne pleurer. N'écoute pas les gens, je te parle en connaissance de cause. En bas du bloc avant des doses. C'est vrai que j'ai fait des sous, mais l'addiction à l'argent finira par me tuer. On parle pas d'embrouille de quartier, tout ça c'est de la perte de temps. S'il y a pépin, il y a embrouille, fais tout tout seul, parle pas des gens. Tu sais là t'es mineur, faut profiter, y'a rien niquer. Plus tu grandis, plus y'a des risques et tu te mets à paniquer. La vie c'est juste une question de choix, on prie, c'est juste une question de foi, on vit. Tu sais qu'on meurt qu'une fois, je m'écarte mais c'est en Dieu qu'on croit. Y'a tellement de neige au quartier que des fois j'attends l'avalanche. J'ai saigné la GAV, mais moi j'ai jamais balance. Jamais balance, mais je suis pas fier de moi. Et si un jour t'as des diplômes, maman pourra être fière demain. Tu sais la ville est grande, mais le quartier est petit. N'écoute pas les grands, les légendes, tout ça c'est des sottises. C'est vrai que j'ai fait des sous, mais l'addiction à l'argent finira par me tuer. C'est vrai que j'ai mis des coups, mais au tribunal j'ai vu la daronne pleurer. N'écoute pas les gens, je te parle en connaissance de cause. Riche en bas du bloc avant des doses. C'est vrai que j'ai fait des sous, mais l'addiction à l'argent finira par me tuer. Putain, mais c'est...